touche les vauriens. Nous on fait pas ça pour rien, shoot les ariens. Ainsi les faux amis ne servent à rien. Évite les fouteurs de troupiers, garde ta foi du bien. Ou bien te laisse crever comme un chien. Rappelle-toi de la fois où nos ancêtres se battaient pour toi et moi. Et tu me dis que tout ça c'est loin de toi. Ah bon, c'est ça, tu vas goûter aux lois d'Allah, Oula, crois-moi, Rouya. Toi qui es si loin de moi, par fierté et vanité. Quand je vois dans mes rêves ton regard me heurter, je me dis que t'es possédé par l'envie de condamner le monde pour des colons qui ont leur figure collée sur des billets en papier. Et ils se foutent de la nature et encore plus des peupliers. Le temps vaut plus que l'argent quand la violence ou l'orgueil envahit le monde plein de sang. Tout ça pour des billets de 50 ou de 100. Le temps c'est plus que l'argent à 100%. Le temps vaut plus que l'argent quand la violence ou l'orgueil envahit le monde plein de sang. Tout ça pour des billets de 50 ou de 100. Le temps c'est plus que l'argent à 100%. À mon avis, la vie de ma famille n'est pas éloignée depuis la nuit des temps. L'homme est violent, fourbe et arrogant. Dans le crime, il ne met pas de gants blancs. Et se confesse en jurant sur le Coran, affrontant les mers, océans et les torrents. Pourtant tant de gens coupables s'accouplent dans le vent. Que par profit, être un être pur et sain dans l'âme. Pourquoi la vie des minouis immigrés de pousser tout le temps sous des mines, influencés par le shétan et le monnaie cash. Au fond l'homme et la femme ne sont plus ce qu'ils étaient. Appliquant la foi, le respect, l'amitié à son cadet. Coïncider l'équilibre d'une famille soudée. Mais les deux sexes opposés en forniquant dans leur communauté. À présent le diable les a menottés. Le temps vaut plus que l'argent quand la violence ou l'orgueil envahit le monde plein de sang. Tout ça pour des billets de 50 ou de 100. Le temps c'est plus que l'argent à 100%. Le temps vaut plus que l'argent quand la violence ou l'orgueil envahit le monde plein de sang. Tout ça pour des billets de 50 ou de 100. Le temps c'est plus que l'argent à 100%. Tu croyais détenir la vérité, tu n'as hérité de ce qu'au fond tu méritais. Ici-bas tout est une affaire de priorité. Vivant dans l'adversité et la dualité, ainsi se propage la vanité comme le corps d'un cadavre empoisonné. L'islam est la force de mon âme, à l'image, l'éducation de mes parents a pris position dans ma vie. Chaque action je l'ai fait avec précision. Trop de lésions autour de toi, tout n'est qu'illusion. Trop d'âmes pourries te sourient, mais dans le dos sème la division. Du calme que phare à Marseille dans cette ville. Nous voyons venir le mal de loin pour pas faire confiance aux gens qui ont tout temps tenté de jouer les doubles agents. Avec fierté et arrogance, le temps c'est plus que l'argent. Le temps vaut plus que l'argent quand la violence ou l'orgueil envahit le monde plein de sang. Tout ça pour des billets de 50 ou de 100. Le temps c'est plus que l'argent à 100%. Le temps vaut plus que l'argent quand la violence ou l'orgueil envahit le monde plein de sang. Tout ça pour des billets de 50 ou de 100. Le temps c'est plus que l'argent à 100%. Le temps vaut plus que l'argent si tu m'as retrouvé. Le temps vaut plus que l'argent. Le temps vaut plus que l'argent. Le temps vaut plus que l'argent. 100%. Le temps vaut plus que l'argent. Famille sous-marée. Le temps vaut plus que l'argent. Marseille et Gaza. Le temps vaut plus que l'argent. On est des tarés. Le temps vaut plus que l'argent. 100%. Brought it back to the streets of danger zone.